c'est l'invité explosif. Alors aujourd'hui c'est le musicien qu'on reçoit. Ouais. Mais sinon tu es comédien. Ouais, je suis un peu tout. Ah. Je suis comédien, chanteur. C'est l'homme couteau suisse. Voilà. Alors tu as fait le cours Florent. Tout à fait. Et tu as été l'un des premiers diplômés du cursus comédie musicale. Ouais. L'un des premiers, c'est-à-dire qu'il n'y avait pas de cursus comédie musicale avant. Ouais, ils l'ont créé. Et je faisais partie de la première promotion. Il peut-être. L'attendait. Écoute, ils ont été désespérés. Ils ont dit allons-y. Allons-y. on a pu te voir dans le grand restaurant 2 avec Pierre Palmade. Ouais. Et comment t'as fait pour jouer dans cette sitcom? Quand t'es arrivé là-dedans? Eh ben, j'ai eu une audition. Ah, et puis voilà, tout simplement. Ah, tout simplement. On s'est dit des fois les contacts ou quelque chose comme ça. C'est vrai, eh ben non. Tu peux te le dire s'il est plus. Bah non, mais. Eh ben non, malheureusement. Tu pourrais connaître Pierrot. Non. Je l'appelle Pierrot. Et en ce moment, on peut te voir dans la nouvelle série de TF1 Instinct. Ouais, c'était en janvier ça. Ah, d'accord. Ouais, c'était en janvier. Il y a eu deux épisodes qui ont été tournés et qui sont passés en janvier. Et voilà, j'étais dans le premier épisode. Et aussi, on peut te voir dans la pub L'Oréal Men Expert. Ouais. Qui sort pour l'instant sur internet dans les jours qui arrivent. D'accord. Il n'y a pas encore la date. Alors, comment on passe de la comédie au mannequinat? Bah, j'ai toujours fait des photos, des choses comme ça, mais après, j'ai jamais été vraiment trop mannequin. Je suis trop grand. Ah, et ouais. Et moi, trop petit. C'est vrai. Ah. Oh, c'est comme cool. Moi, trop grande. Et en 2013, tu as été sélectionné pour représenter la France. Ouais. À l'Eurovision. Non, mieux. Lors du concours international, ça commençait le nom WCOPA. WCOPA, tu peux dire. Alors, c'est quoi la WCOPA? C'est un peu comme les Jeux Olympiques des talents. Ouais. C'est à travers plein de pays, aux États-Unis, et voilà. Donc, et comment tu t'es retrouvé à représenter la France? Ben, un casting, une audition, pareil. C'est ça, chiant. Je suis chiant. Non, mais c'est pas ça. Mais je suis chiant, j'ai pas de tour de magie. Sur YouTube, il aurait pu être repéré. Non, c'est vachement canon. Il y a des tours de chant, il y a des tours de théâtre, il y a des. Voilà. Vraiment, ça se passe à Los Angeles. Enfin, c'est. Exactement. C'était une semaine complètement folle où tu es avec tous les pays, comme ça, t'es enfermé dans un hôtel et voilà, tu passes étape après étape et voilà. Et c'était une grande aventure. Et alors, le résultat, c'est fini? Eh ben, j'ai été en finale. Ah, bien! Pour le mannequinat. On reçoit pas n'importe qui. Ouais. Pour le mannequinat. Ouais, pour le mannequinat. Et puis, j'ai eu une médaille d'argent pour le chant pop. Voilà. Voilà, c'est chez moi, comme ça, ça brille. Tous les matins, je regarde et je fais. L'homme de Rio. Et maintenant, tu te concentres sur ta musique. Ouais. Alors, c'est ça. Comment on peut définir ton style? C'est quoi, électro? De la pop. Vraiment, pop. C'est de la pop, ouais. Je suis pop au sens large. D'accord. Alors, voilà. Tu es en préparation d'un album? Voilà, ouais, je travaille des titres avec des producteurs et puis c'est en cours de développement. Voilà. Alors, qui compose? Tu composes, t'écris, tu fais tout? Non, c'est avec eux, c'est vraiment c'est un duo d'auteurs-compositeurs avec qui je travaille, qui voilà, à partir de mes envies. Qui sont des chansons. Les Chris, non? Ouais, c'est ils ça, s'appellent ouais. Les Chris et ils ont travaillé entre autres avec Icar, avec Tal, avec David Carrera, des gens. Ah, voilà. Et alors, l'album est prévu pour quand? Il n'y a pas de date pour l'instant, c'est vraiment, on est un peu en phase de création. Ouais, voilà, en phase de création, on expérimente. Voilà, exactement. Et d'ailleurs, tu nous as amené en exclu un tout nouveau morceau. Ouais, qui est toujours en production. Ce que j'allais dire, je dis bien que c'est en exclu, parce que c'est en cours de production. Exactement. Alors que c'est vraiment un très beau cadeau de ta part. Le morceau s'appelle Mister. Voilà. Et on va s'écouter ça tout de suite. Ouais. Je klaxonne, je déconne, je téléphone à tour de bras. Mais y'a jamais, jamais personne pour moi. Même sur les photos, je me reconnais pas. Personne pour moi, même sur les photos je me reconnais pas. Je questionne, je pardonne, j'ai lu. Explosive.